Intéressons-nous maintenant aux mots se terminant par ENT en français et ENTE en espagnol. En français, on a ENT au masculin et ENTE au féminin. En espagnol, la terminaison est toujours ENTE, que l'on prononce ENTE. Notez que comme pour abundar, abundante, que l'on a vu tout à l'heure, il est parfois plus sûr de partir du verbe pour retrouver le mot en ENTE ou ANTE. Par exemple, insistant s'écrit ANT à la fin, mais ne se dit pas insistante en espagnol, mais insistente, I-N-S-I-S-T-E-N-T-E, puisqu'il vient de insistir. On utilise toujours la terminaison ENTE pour les verbes en er et en ir. Maintenant, si mieux se dit mejor, M-E-J-O-R, le J se prononce en faisant un raclement de gorge. Comment direz-vous en parlant d'un changement qui a eu lieu à votre travail? C'est différent, mais c'est mieux ainsi. Es diferente, pero es mejor así. Es diferente, pero es mejor así. Maintenant, comment dit-on évident en espagnol? Bien sûr, c'est evidente. Répétez, s'il vous plaît. Evidente. Evidente. J'espère que vous avez bien dit evidente et non evidente. Je vous rappelle que le son en n'existe pas en espagnol. Et comment dit-on incompétent? C'est ça, incompetente. Pour incompétente, on dira aussi incompetente. Comment diriez-vous maintenant? C'est évident qu'il est incompétent. Es evidente que es incompetente. Es evidente que es incompetente. Continuons. Comment diriez-vous? Je savais que cette situation n'était pas permanente. Sabía que esta situación no era permanente. Sabía que esta situación no era permanente. Vous avez bien utilisé esta pour dire cette, vu qu'il y avait ensuite le mot féminin situación, comme nous l'avons déjà souligné dans les autres méthodes, pratiquement tous les mots se terminant par i au accent aigu n, c-i au accent aigu n et s-i au accent aigu n, et que l'on prononce ion, fion et sion, sont féminins. S'il y a plus d'une situation, on dira estas situaciones. On rajoute les lettres ES lorsqu'un mot se termine par une consonne. Sabía, je savais, et era, était, décrivent quelque chose de continu, une ligne dans le passé. C'est le temps des longueurs qui s'exprime avec la terminaison en aba pour les verbes en ar ou ia pour les autres. C'est pour cela que l'on a sabía. Ser, en revanche, est fidèle à lui-même. Il est toujours aussi irrégulier et difficile. Dans cette phrase, on avait « era » pour « était ». Comme je l'ai déjà dit auparavant, n'hésitez pas à revoir les autres méthodes si vous n'êtes pas sûr de maîtriser ce dont on parle ici. Il est tout à fait normal de revenir sur des choses que l'on a déjà vues. Sans traduire le « de » après « important », comment diriez-vous maintenant? Dans la situation présente, il est important d'être ici. En la situación presente, es importante estar aquí. En la situación presente, es importante estar aquí. Avez-vous bien fait attention à ne pas utiliser de après importante dans cette phrase? C'est tentant, mais il ne faut pas. S'il y a de après important en français, alors il ne faut rien mettre en espagnol. Toutefois, s'il y a que, vous devez utiliser que. C'est la même structure dans les deux langues. Sachant que du bureau se dit del despacho, D-E-L, plus loin, D-E-S-P-A-C-H-O, comment diriez-vous? Maria est sortie du bureau parce qu'elle avait une réunion importante et urgente. Dites-moi d'abord. Maria est sortie du bureau. Maria salió del despacho. Maria salió del despacho. Je vous expliquerai dans la deuxième partie de la méthode pourquoi on dit « del » pour « du ». Dites-moi maintenant la suite de la phrase. Parce qu'elle avait une réunion importante et urgente. Porque tenía una reunión importante y urgente. Porque tenía una reunión importante y urgente. Redites-moi toute la phrase. Maria est sortie du bureau parce qu'elle avait une réunion importante et urgente. Vous venez de dire une longue phrase et vous avez transformé un mot en ENT mais aussi un autre en ANT. La phrase était effectivement Maria salió del despacho porque tenía una reunión importante y urgente. Maria salió del despacho porque tenía una reunión importante y urgente. Félicitations si vous avez utilisé salió. Salió décrit une action qui s'est produite à un moment précis dans le passé, comme un point sur une ligne. La ligne représente le passé. Et le point, ici salió, l'action qui s'est produite à un moment déterminé. Néanmoins, pour « elle avait », on décrit quelque chose de continu, donc « tenir ». Et aussi, avez-vous deviné « réunion » qui porte un accent sur le « o » ? N'hésitez pas à essayer de deviner les mots quand vous avez l'impression qu'ils peuvent ressembler au français. Aussi, il faut bien dire « réunion ». Le son « on » de « réunion » n'existe pas en espagnol. Il faut prononcer toutes les lettres.